d'un haut, de l'autre côté des nuages. La boule est un joyau roulant dans l'infini des âges. Pas de pays, pas de frontières, pas plus d'ennemis que de guerres. Juste le bleu d'un gros ballon. Pas plus de pauvres que de riches, juste un mystère qu'on déchiffre. Pas plus de petits que de grands, ni rouge, ni noir, ni jaune, ni blanc. Vu d'en haut, de l'autre côté des nuages, la boule est un joyau roulant dans l'infini des âges. On ne voit pas les poux de la terre s'aimer, s'engueuler ou se taire. Petit cœur se faufiler entre les peurs. On ne sent que l'âme des mondes qui dans l'infini vagabonde. Pour sûr qu'on fait partie du tout, que c'est la vie qui manie tout, manie tout. Que vu d'en haut, de l'autre côté des nuages, la boule est un joyau roulant dans l'infini des âges. On voit les villes qui s'allument, la consommation qui consume. Bleu des océans, mais pas tout ce qu'il y a dedans, heureusement. On voit de loin et tout s'éclaire, on voit bien mieux qu'à ras de terre. En s'éloignant du tourbillon, se dégage une autre vision. Vu d'en haut, de l'autre côté des nuages, la boule est un joyau roulant dans l'infini des âges, l'infini des âges. Roulant dans l'infini des âges.